m'abandonne quand les nouvelles ne sont pas bonnes. Oh, whisky, quand tu me prends, tu m'emmènes pour 80 ans. Et pourtant je sais que tu me noies dans mes pensées. Et pourtant je rêve que nous voyions une trêve. Et pourtant je sais que tu me noies dans mes pensées. Et pourtant je rêve que nous voyions une trêve. Oh, whisky, quand tu me perds, tu me mets toujours à terre. Et toujours tu veilles à empêcher mon réveil. Et pourtant je sais que tu me noies dans mes pensées. Et pourtant je rêve que nous voyions une trêve. Et pourtant je sais que tu me noies dans mes pensées. Et pourtant je rêve. Et pourtant je rêve que nous étions une trêve. Whiskey, can't you?